بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 4. وعليكم السلام ورحمة الله. Le cours numéro 4 dans l'explication de tafsir surat An-Nisa de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est rendu au point numéro 13 parmi les fawaid et les ahkam qu'on peut tirer de ces premiers versets de surat An-Nisa. Et le cheikh, il dit maintenant ici, « Thalithu ashar yu'khadhu min al-ayat wujubu muraqabatillah fa'innahu raqibun ala al-ibadi jami'an la yakhfawna alayhi subhanahu wa ta'ala wa fil hadith al-ihsan an ta'bud allaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak fa'yakunu al-abd مع ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة دائما يعتقد ويؤمن بأن الله يراه في أي مكان وفي أي حال فلا يقدم على معصيته سبحانه وتعالى فإنه وإن اختفى عن الناس فإنه لا يختفي عن الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان وفي أي حال. Donc le cheikh explique comme point numéro 13, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces règles, c'est que il est obligatoire pour nous d'être conscient que Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille. Donc on est sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous la supervision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est raqibun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il surveille tous ses serviteurs, il les observe, il les regarde, il n'y a rien qui lui échappe de ce que font et de ce que disent ses serviteurs, et ils ne peuvent pas se cacher de lui, peu importe où ils sont. Et comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, et Muslim l'a rapporté selon Omar ibn al-Khattab, le hadith de Jibril qui est célèbre quand il dit Al-Ihsan, c'est quoi l'Ihsan? C'est yani, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'es pas capable d'arriver à adorer Allah comme si tu le voyais, tu l'adores alors que tu es conscient que c'est lui qui te voit. Et donc, le serviteur, il doit toujours être de cette façon avec son Seigneur. Et il doit toujours respecter cette caractéristique-là avec son Seigneur. C'est-à-dire, il doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Peu importe où il est, peu importe sa situation et son état. Alors, il ne va pas se permettre de faire un péché ou de rentrer dans un péché alors qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et même s'il est caché des hommes, il n'est pas caché d'Allah. Peu importe l'endroit, peu importe l'époque ou le moment, et peu importe la situation. Et donc, il y a des gens, par exemple, peut-être qu'ils se disent, la nuit, il fait noir, personne ne me voit, ou bien à certains moments de la journée, ou bien à certains endroits, personne ne va me voir, ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas lui échapper. Il est plus proche de nous-mêmes que notre veine jugulaire. Hein? Par ses anges, déjà, qui enregistrent tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Alors comment est-ce qu'on pourrait se cacher? Et même nos membres sont des témoins contre nous au jour de la résurrection. Est-ce qu'on est capable de se cacher de soi-même? On n'est pas capable de se cacher de soi-même. Donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ » Donc, vous ne pouviez pas vous cacher au point que votre ouïe et votre vue et votre peau soit ne soit pas témoin de contre vous au jour de la résurrection, peu importe. Donc ça c'est juste des exemples. Après le cheikh il dit Rabi'a ashar yu'khadhu min hadhihi al-ayat wujub hifdh amwal al-aytam wa wujub daf'iha ilayhim kamilatan wa atu al-yatama amwalahum thumma qala wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ثم قال إنه كان حوبا كبيرا فهذا مما يؤكد العناية بأموال الأيتام وعدم التساهل في حفظها لأنها أمانة عند وليهم وقد جاء في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وجاء في الحديث أن السبع المبيقات أو أن من السبع المبيقات أكل مال اليتيم. Donc ici le cheikh il explique que donc dans sourate An-Nisa il y a plusieurs règles et parmi les versets qu'on a lu justement les règles au sujet des biens de l'orphelin. Les biens de l'orphelin et l'obligation de leur remettre complètement et parfaitement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans ces versets-là, et rendez aux orphelins leurs biens. Et il dit, et ne substituez pas le mauvais au bon. Et il dit ensuite, et ne consommez pas leur bien avec le vôtre. Et il dit, cela est certes un grand péché. Donc ça, ça vient confirmer le fait qu'il faut se préoccuper et bien s'occuper des biens et de l'argent que les orphelins possèdent. C'est-à-dire, si par exemple, un orphelin ou un enfant dont le parent est mort, le père est mort, et qu'ils sont sous ta charge, et que toi tu as en main leur héritage, parce qu'ils ne sont pas en mesure de savoir comment gérer cet argent-là tout de suite, parce qu'ils sont petits. Alors toi tu dis, moi j'ai cet argent-là, hein? Je pourrais faire qu'est-ce que je veux avec, mais toi tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala avec cet argent là même si toi tu dis par exemple, moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent, et cet enfant là il est riche, hein, il a un gros héritage, qu'est-ce que je fais? Eh bien tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala et bien garder cet héritage là pour cet enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison ou l'âge qu'il est assez mature pour être capable de gérer cet argent, ou l'âge de la puberté, lorsqu'il va commencer à pouvoir justement savoir comment s'occuper de son argent. Après, le cheikh, il explique, il dit donc qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre cette tâche à la légère, la tâche de devoir préserver cet argent-là pour les orphelins. Et c'est une amana. Le terme amana en arabe, ça veut dire c'est un dépôt, une charge ou un dépôt qui nous a été confié. Donc c'est entre notre responsabilité, ça rentre dans notre responsabilité de la part du tuteur de cet enfant. Et c'est comme s'il nous l'avait confié son argent pour qu'on lui remette. Et on sera questionné au jour de la résurrection à propos de cette amana. Est-ce qu'on a été honnête? Est-ce qu'on a été fiable? Est-ce qu'on a remis la chose qui à celui qui avait le droit, hein, d'obtenir cette chose, et on l'a remis de façon honnête et fidèle? Et le cheikh, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit justement à ce sujet, ce qui signifie ceux qui mangent injustement ou qui consomment injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Et il dit qu'il a été également mentionné dans le hadith, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y a 7 moubiqat. Et le terme moubiqat, c'est le pluriel de moubiqa, qui signifie yani, quelque chose qui te fait périr. C'est-à-dire quelque chose qui est dangereux, qui est grave et qui t'amène à ta perte. Donc, il a appelé ces grands péchés-là « as-sab'ul mubiqat » parce que c'est des péchés qui t'amènent à ta perte dans l'au-delà. Et il a mentionné parmi ces 7 grands péchés le fait de consommer ou de manger illicitement les biens de l'orphelin. Le point numéro 15, « Khamis Achar » يؤخذ من هذه الآيات أن أكل مال اليتيم من أكل الخبيث وقد وصفه الله بأنه حوب وتوعد عليه. Donc ici le cheikh il explique que comme point numéro 15 de qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets là comme règle, c'est que de consommer les biens de l'orphelin, ça fait partie de manger ce qui est sale. C'est-à-dire si on le consomme ou si on mange de leur argent, c'est comme si on consommait quelque chose qui est sale pour nous, puisque ça ne fait pas partie de qu'est-ce qu'on a le droit de consommer. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit comme étant un énorme péché. Hein? Et il a mentionné à ce sujet-là une menace sévère. Donc ça veut dire que l'affaire est sérieuse. Après, il a dit « As-sadis achar » le point numéro 16. يؤخذ من هذه الآيات وجوب معرفة مقدار مال اليتيم وعدم مزجه مع مال الولي من غير تمييز لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فيجب أن يحصي أو أن يحصي مال اليتيم ويميز ويعرف مقداره حتى لا يضيع منه شيء ولا يخلطه مع ماله من غير معرفة لمقداره ونوعه وجنسه حتى يؤديه إلى مستحقه في النهاية. Donc le point numéro 16, le cheikh il explique que parmi les choses ou les règles qu'on peut tirer de ces versets-là, l'obligation de connaître la proportion ou la quantité de biens qui appartient aux orphelins et de ne pas mélanger nos biens aux biens de l'orphelin sans qu'il y ait de distinction entre les deux. Parce que le cheikh il dit, parce que Allah il dit, et ne consommez pas leurs biens avec vos biens. Donc il est obligatoire de calculer les biens de l'orphelin et de les séparer, de les distinguer, et de connaître la valeur de ce qu'ils possèdent, pour ne pas que rien de cet argent-là soit perdu, et pour ne pas que cet argent-là soit mélangé avec l'argent de la personne, sans qu'on puisse savoir c'est quoi la proportion, ou c'est quoi la catégorie, ou c'est quoi la sorte de bien en question, pour qu'on puisse le rendre à celui à qui il appartient à la fin. Donc sinon c'est très facile de mélanger les deux et après tu peux plus compter, ça devient compliqué par la suite. Et s'il y a plusieurs années qui séparent l'enfant de le fait de pouvoir toucher à son argent, eh bien à la fin ça va être compliqué. L'enfant va dire mais où est mon argent? Et l'homme va dire, ben je l'ai mélangé avec mon argent, donc je ne sais pas vraiment combien il reste. Alors là, c'est une injustice grave. Le cheikh, il dit ensuite, « سابع عشر يؤخذ من هذه الآيات تحريم ظلم اليتيمة في مهرها إذا أراد وليها أن يتزوجها فيعتبرها مثل سائر النساء ولا يستغل وليتها أو وليته عليها وضعفها أو وضعفها فيتهاون في شيء من مهرها. وهذا على أن الخطاب لولي اليتيمة. وكذلك يتناول زوج اليتيمة إذا تزوجها ولو كان غير ولي لها، فيجب عليه أن يتأكد في حقه أن يدفع إليها مهرها ولا يستضعفها ويأكل شيئا من مهرها. Donc le cheikh il explique un autre point qui est clarifié dans ces versets là, c'est le fait de l'interdiction de faire de l'injustice à l'orpheline, à la femme orpheline ou à la jeune fille orpheline dans son mahar. Dans son mahar, c'est-à-dire l'argent qu'on lui donne comme cadeau de mariage. Lorsque le mari se marie avec sa femme, il lui donne un mahar. Eh bien, si cet enfant ou si cette femme, cette jeune femme, elle est orpheline et qu'elle est sous sa charge, il a le droit de la marier parce qu'il n'a pas de lien de parenté avec elle. Étant donné qu'il n'a pas de lien de parenté avec elle et qu'il a, il veut l'épouser, eh bien, il faut qu'il soit certain qu'il va être juste envers elle. Et il ne doit pas ressentir le fait que, ou l'idée que parce qu'il est son tuteur, que ça lui donne le droit de lui donner moins que ce qu'une femme de son rang ou une femme de sa catégorie aurait mérité comme cadeau de mariage et comme traitement et comme respect. Parce qu'il y a des gens comme ça qui pourraient par exemple se dire, étant donné que Yanni c'est moi son tuteur et que finalement c'est moi qui s'en occupe, je vais lui donner moins parce que Yanni c'est moi qui décide en réalité de qu'est-ce qu'elle fait ou de comment elle va être dans sa vie, etc. Donc c'est moi qui ai son tuteur. Donc il se permet des choses qu'il ne pourrait pas se permettre s'il épousait une autre femme qui ne serait pas sous sa charge. Donc ça c'est de l'injustice. Et ça aussi ça fait partie de, le cheikh il dit que ça fait partie des choses qu'il faut respecter. Pas seulement lorsqu'on est le tuteur d'une femme, mais de façon générale. C'est-à-dire que n'importe quel homme qui épouse une orpheline, même s'il n'est pas son tuteur, il doit craindre Allah avec cette fille-là. Et il ne doit pas se dire, puisque son père est mort, elle n'a pas de tuteur de sa famille comme un père pour s'occuper d'elle ou la protéger. Alors, il pense que ça ouvre la porte pour lui pour qu'il puisse lui faire de l'injustice et se permettre de ne pas lui donner ses droits puisqu'il va dire « Ah, il n'y a personne qui va venir m'embêter ou me dire quoi que ce soit si je ne fais pas ce qui est correct ou si je lui fais de l'injustice. » Donc, quelqu'un qui ne craint pas Allah, c'est grave. Et peut-être qu'il aura ces idées-là dans sa tête. S'il a jamais ces idées-là dans sa tête à propos de l'orpheline, il devait tout de suite oublier cette idée de vouloir même épouser cette femme. Et plutôt épouser une femme qu'il sait qu'il va être plus penché vers le fait de respecter ses droits et de lui donner son droit. Et donc, le cheikh, il explique ça, puis il dit qu'il ne doit pas abuser de sa faiblesse ou de sa vulnérabilité du fait qu'elle était orpheline. Et il doit lui donner son droit dans le mahar et ne pas consommer quoi que ce soit du mahar. Il va dire, elle est sous ma charge, je vais prendre le mahar. Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Thamin Achar, c'est le dernier point. الشيخ يقول ويؤخذ من هذه الآيات ما من الله جل وعلا على النساء من الإكرام والتميز عن نساء الكفرة، لأن الله جل وعلا أباح لهن تملك الأموال، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، وكانوا لا يعطونها مهرها، وكانوا يظلمونها، فجاء الإسلام يضمن لها حقها وأعطاها حقية التملك والتصرف في مالها، كما أنه أكرمها بالستر والعفة والكرامة، وأمر بإعفائها وستر بإعفافها وسترها وحمايتها والقوامة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ومن ذلك الزوج مع زوجته، فإنما يكونان شركة عظيمة وبيتا أسريا، ويكون هذا البيت منطلقا للذرية الطيبة التي تنفع المجتمع، فهذا من حكمة الله جل وعلا. وإكرام المرأة التي أهانها الكفار قديما وحديثا، وأضاعوا حقها وابتذلوها، وجعلوها مثل الرجال سواء بسواء مع ضعفها ومع سوء حالها، فإنهم لا يرحمونها، بل يجعلونها تتولى أشق الأعمال ويمتهنونها. وإذا كانت جميلة تقاذفوها بشهواتهم ورغباتهم، ثم إذا كبرت سنها وضعوها في الملاجئ أو في أمكنة مهينة، وهذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة، وهذا وضعها في الإسلام، والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il explique que le point numéro 18 de qu'est-ce qu'on peut tirer des règles de ces versets qu'on a lus jusqu'à date, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la faveur aux femmes de les honorer et de les distinguer par rapport aux femmes mécréantes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le droit de posséder des biens et de droit de d'avoir des propriétés. Alors que dans la jahiliya, avant l'islam, les femmes ne pouvaient même pas hériter de leurs proches, et on ne leur donnait pas non plus leur mahar lorsqu'elles se mariaient, et également, elles étaient opprimées, et on leur faisait de l'injustice. Alors l'islam est venu, et elle lui a garanti son droit. L'islam a garanti à la femme son droit. Et l'islam lui a donné également le droit de propriété et le droit de gérer ses biens. Et également, l'islam fait en sorte que la femme soit protégée, couverte. Et elle reste donc dans son honneur et dans la chasteté. Et il a ordonné également à la femme, ou bien plutôt il a ordonné à l'homme de protéger la chasteté de la femme, de bien la couvrir et d'être son responsable, d'être son celui qui s'occupe d'elle. Donc l'homme, il a un rôle de responsable par rapport à la femme. Il est le responsable et le chef de la famille dans l'islam. Donc il a la responsabilité, c'est-à-dire quand on dit la responsabilité, c'est-à-dire que c'est lui qui aura des comptes à rendre devant Allah au sujet de sa femme. C'est-à-dire que Allah va le juger puis va lui demander: qu'est-ce que tu as fait avec ta femme? Comment tu as été avec ta femme? Est-ce que tu as respecté ses droits? Est-ce que tu l'as bien traité? Est-ce que tu l'as protégé? Est-ce que tu l'as éduqué dans l'islam? Est-ce que tu lui as ordonné de respecter les règles d'Allah? Tout ça, les hommes seront questionnés à ce sujet-là au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34 dans Sourate An-Nisa, les hommes sont les responsables des femmes à cause de ce que Allah a préféré de ceci sur celle-ci. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré les hommes sur les femmes. Et il a donné précédence aux hommes sur la femme. Naam. Et il dit, et donc, le mari avec son épouse, il doit donc être ainsi. Il doit agir comme ça. C'est-à-dire, il doit être responsable avec elle et bien s'occuper d'elle et veiller à ce qu'elle s'attache à sa religion et ainsi de suite. Et il dit donc, ils vont former comme une équipe ensemble. Le mari avec sa femme. Comme une compagnie, une sharika, yani un couple. D'accord? Et yani, ils vont également bâtir avec ça une maison forte et une famille solide. Et de cette maison, on va voir sortir des enfants qui sont bons et qui sont profitables et bénéfiques pour la société. C'est-à-dire qu'ils font du bien, qui vont être positifs et qui vont être bons pour la société, qui vont produire des bons fruits. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il a honoré la femme. Naam, il a honoré la femme que les koufars ont rabaissé et dénigré dans le passé et à l'époque actuelle. Parce qu'ils ont complètement perdu et gaspillé le droit de la femme. Et ils ont rabaissé la femme. Et ils ont fait de la femme comme si elle était l'égale de l'homme. Alors qu'elle est faible. Ils ont voulu la mettre à l'égalité de l'homme et de la traiter comme un homme. Alors qu'elle est faible. Alors ils n'ont aucune miséricorde pour elle. Et même qu'ils lui donnent les travaux les plus difficiles à faire et les emplois les plus lourds. Et ils pensent que ça, c'est de la justice. Ils disent, nous, on a donné à la femme l'égalité. Ça, c'est pas de la justice. Ça, c'est pas de la miséricorde. Si tu fais porter à la femme la même chose qu'à l'homme et puis après tu dis... comme si tu penses que tu as fait quelque chose de bien. Où est-ce qu'elle est la miséricorde dans ça? Après, il dit, le cher, il dit, et si cette femme, elle est belle, c'est-à-dire que si dans la société des koufars, une femme, elle est belle, elle est attirante, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils l'utilisent pour leur passion et leur désir. Puis, une fois qu'elle est devenue vieille, qu'elle ne sert plus à rien, après avoir, si, parfois, Allah al-Musta'an, certaines de ces femmes-là, quand elles commencent à réaliser que les signes de la vieillesse apparaissent sur elles, elles commencent à se faire toutes sortes de chirurgies plastiques pour changer leur bouche, changer leurs yeux, changer leur corps, pour être capable d'essayer de combattre la vieillesse. Et de faire en sorte qu'elles ne vieillissent pas. Elles prennent des hormones, des médicaments, et il y a des injections qu'elles se font faire dans certaines parties, les yeux, la bouche, les joues, et d'autres endroits, oui, c'est ça. Et aussi, subhanallah, j'entendais ça l'autre jour, il y a beaucoup de produits de beauté qui sont vendus aux femmes, et on leur fait croire que c'est des produits qui restent, qui les font rester jeunes, ou qui vont leur donner leur jeunesse. Des pommades, des crèmes, des toutes sortes de produits que la femme, elle met dans ça. Et ça, c'est des petits pots là qu'ils vendent dans des magasins. Un petit pot peut-être quelques millilitres, ils vont lui vendre ça peut-être $100, $200. Elle achète ça, elle met ça pour essayer d'enlever ses rides. Elle a des rides dans son visage, elle met ça. Elle pense qu'elle va rester jeune toute sa vie. Pourquoi elle veut à tout prix rester jeune? parce qu'elle sait que toute sa valeur, elle est seulement dans son apparence. Sa valeur dans la société actuelle chez les koufars, c'est seulement dans l'apparence qu'elle a. Et une fois qu'elle est devenue vieille, la société la jette, hein, comme si on n'a plus besoin de toi. Et ils les mettent dans des maisons de vieilles, de personnes âgées, des centres pour les personnes âgées ou des CHSLD ici à Montréal. On a entendu beaucoup parler de ça dans la période des confinements là, de COVID, à cause des quantités de morts qui sont arrivées justement dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce qu'ils jettent leurs parents dans ces endroits-là pour mourir, parce qu'ils ne veulent plus s'en occuper. Et qu'est-ce qui arrive? Les personnes qui travaillent là-bas sont sous-payées. Ils ne veulent pas faire leur travail comme il faut. Alors, ils les laissent, hein, dans des couches. Ils ne vont même pas les laver. Peut-être pendant 8 heures, 9 heures, ils les laissent dans la couche comme ça. Ils vont les laisser, hein, Allah Musta'an. Peut-être qu'ils ne vont pas leur faire prendre leur bain. Ils ne vont pas les nettoyer. Ils ne vont pas les, hein, s'en occuper. Puis après, les autres, la famille, disons, ils sont là-bas, il y a des gens qui s'occupent d'eux. Hein? C'est grave, ça. Ça fait partie des plus grandes formes de hukouk, hein? De mauvais traitement de ses parents et de manque de respect de ses parents. Et donc, ça, est-ce que c'est ça une société évoluée? Est-ce que c'est ça une société civilisée? Est-ce que c'est ça une société qui est moderne, hein, qui traite ces personnes âgées de cette façon? Donc, alhamdoulillah, qui traite les femmes de cette façon? Non, hein, ça n'a rien à voir avec l'évolution ou avec le fait d'être civilisé ou d'être moderne. Et si c'est ça la modernité, on n'en a pas besoin. Hein? Alhamdoulillah, le cheikh il dit, l'islam, il est venu avec les règles de la miséricorde et de la justice pour la femme et pour la société et pour les personnes âgées. Et donc, alhamdoulillah, celui qui s'accroche à l'islam, il va avoir le mieux des deux mondes, de cette dunya et de l'au-delà. Après, on passe à d'autres versets. Et les versets qu'on va lire maintenant, c'est de 5 à 7. Donc, le cheikh, il va les lire. Donc, il a mentionné ces versets-là. On va les lire. Après, on va lire l'explication, la traduction et la traduction des sens. Et après, l'explication. Donc, ici, le cheikh, il dit... قال تعالى نعم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Donc ici le cheikh il a cité ces deux versets là. Après le verset le troisième, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie « Ne confiez pas aux incapables. » Le terme « incapable » ici, c'est en arabe « as-sufaha ».« As-sufaha », ça ne veut pas dire les incapables réellement. C'est plutôt les gens qui sont faibles d'esprit. Ils ne savent pas encore comment gérer l'argent. Donc c'est comme des petits-enfants là, hein? Un petit enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu lui donnes de l'argent, il va faire quoi avec? Il va gaspiller, hein? Il va acheter n'importe quoi. Donc, quand des gens ne sont pas encore d'âge mûr ou ils n'ont pas encore la raison, c'est cela qu'on appelle « soufaha ». Et après, le cheikh, il a lu ces versets-là. Et on continue l'explication. « Ne confiez pas vos... aux faibles d'esprit, disons, vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements. Parlez-leur convenablement. Éprouvez la capacité, yani la capacité intellectuelle, ou bien la capacité de bien gérer l'argent. Donc, éprouvez-les dans la capacité de gérer l'argent, hein, les orphelins, hein, éprouvez-les dans la capacité jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, yani rushdan, ils sont bien, ils savent bien se conduire, puis ils agissent avec l'argent de façon correcte, de façon sage, ils ne gaspillent pas, alors remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Hein? Et quiconque est aisé, si quelqu'un, par exemple, qui s'occupe des orphelins, il est riche lui-même ou il a beaucoup d'argent, alors qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. Et s'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous remettez leurs biens, hein, lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Et aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Yani nasiban mafrouda. Donc ça, c'est les versets en question. Maintenant, on va commencer à lire l'explication, le tafsir de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah. Il dit, « Wa hadhihi al-ayat » Donc, vous savez que dans le début de cette sourate et un peu à la fin, il y a des règles au sujet de l'héritage. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il est un spécialiste dans ce domaine. Parce que sa thèse de maîtrise ou de doctorat, je ne me rappelle plus lequel, sa thèse était justement au sujet de l'héritage. Donc, il connaît bien le sujet. Et il est vraiment fort dans ce sujet-là. Donc, lorsqu'on va arriver à ce domaine-là, on va commencer à voir certaines de ces règles dans les versets qui sont mentionnés sur ce sujet. Donc, le cheikh, il dit, « Wa fi hadhihi l'ayat, yaqulu Allahu jalla wa ala, wala tu'tu s-sufaha amwalakum. Wa hadha nahyun min Allahi subhanahu wa ta'ala li ashab l'amwal, أن يدفعوها إلى السفهاء والسفهاء جمع سفيه وهو من خف عقله ولم يحسن التصرف في المال عكس الرشيد Donc ici le cheikh il explique que dans ces versets donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ne donnez pas vos biens aux faibles d'esprit. C'est une interdiction de la part d'Allah pour les gens qui ont de l'argent de le remettre à ceux qui sont décrits comme étant des soufaha. Le terme ou le mot soufaha, c'est le pluriel du mot safihun. Safihun. Et il dit man khaffa aqluhu, c'est-à-dire celui qui a peu de raison, celui dont la raison est faible. Et donc, il ne sait pas comment gérer l'argent. Il ne sait pas comment gérer l'argent. Si tu lui donnes, yani, de l'argent comme ça, il va sortir, il va acheter n'importe quoi avec. Alors qu'il a besoin des choses beaucoup plus importantes que ça. Et Yani, c'est le contraire de celui qu'on dit Rachid. Hein? Rachid. Rachid, c'est le contraire de sa fille. D'accord? Rachid, c'est quelqu'un qui est droit dans sa tête, et dans son comportement, dans son attitude. Il agit de façon droitement. Yani, avec Rushd. Le cheikh, il dit ensuite, « Qawluhu amwalakum » قيل المراد أموال المخاطبين ولا يعني تسلط عليها السفهاء من الصغار والنساء والمجانين والذين لم يحصل منهم الرشد في التصرف وقيل المراد بالأموال أموال السفهاء أنفسهم فنهى الله عز وجل أولياءهم أن يمكنوهم من التصرف في أموالهم وهم سفهاء وكذلك من في حكم الصغار ممن لا يحسن التصرف في المال ممن لا يحسن التصرف في المال فيكون معنى ذلك الحجر عليهم ويكون الخطاب للأولياء الذين يتولون أموال السفهاء أموال السفهاء وأضافها إلى المخاطبين فقال أموالكم لأمرين الأمر الأول حثهم على حفظها كما يحفظون أموالهم والأمر الثاني أن المال نفعه للجميع وإن كان مالكه مختصا به إلا أن نفعه للجميع لجميع الناس لأن الله جعل الأموال قياما لمصالح العباد كما سيأتي. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ne dépensez pas ne donnez pas vos biens aux faibles d'esprit. Ici il parle des biens des gens à qui il s'adresse. C'est-à-dire ne laissez pas les faibles d'esprit, que ce soit des enfants ou des femmes ou des gens qui sont qui n'ont pas une capacité intellectuelle, qui sont par exemple déficients ou bien qui ne savent pas gérer du tout l'argent. Si vous voyez que ces gens-là n'ont aucune droiture dans leur comportement, alors ne leur donnez pas votre argent. Et certains savants ont expliqué que ça veut dire yani, l'argent de ces faibles d'esprit eux-mêmes. C'est-à-dire, ne leur donnez pas leur argent. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux tuteurs de ces enfants-là ou de ces personnes-là de leur donner de l'argent tant qu'ils sont faibles d'esprit, tant qu'ils sont enfants ou qu'ils sont trop petits pour savoir comment gérer l'argent. Et donc ça c'est la même chose pour le verdict de l'enfant, comme on a dit, la personne qui est trop jeune pour savoir comment gérer l'argent. Donc, ça devient comme si ses biens sont sous tutelle. Ça devient en réalité comme si ses biens étaient sous tutelle. Sous tutelle, ça veut dire que c'est pas lui qui peut gérer son propre argent, même si c'est à lui. Pourquoi? Parce que il va faire n'importe quoi avec. Et ça, c'est une des règles dans l'islam. Et il y a un chapitre dans le fiqh, un des chapitres dans le fiqh qui s'intitule justement Al-Hijr. Oui, ça existe aussi chez les kuffars. Et il y a des conditions pour que quelqu'un, ses biens soient sous tutelle. Et c'est des cas, par exemple, quand quelqu'un il n'a plus ses compétences intellectuelles ou quand il est malade ou des choses comme ça. Il y a des cas bien spécifiques et il y a des conditions, il y a des règles à respecter. Le cheikh, il dit ensuite, Naam. Donc, il dit, quand son argent va être sous tutelle, c'est les tuteurs qui vont s'occuper de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, c'est eux qui gèrent l'argent de ces faibles d'esprit-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux comme si c'était leur argent, puisque c'est eux qui gèrent cet argent-là. Donc, il a dit, ne leur donnez pas vos biens. Alors que même si c'était leur bien, étant donné que c'est eux qui les gèrent, donc ils sont les responsables de cet argent-là. Et donc, il y a deux raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à eux. La première, c'est pour les inciter à préserver cet argent-là, comme ils préserveraient leur propre argent. Et la deuxième, c'est que l'argent en question, tout le monde en profite. Hein? C'est un bien pour tout le monde. Alors, même si l'argent, elle appartient à son propriétaire en particulier, sauf que le bien qui en découle, c'est pour tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'argent un élément qui est utilisé pour les intérêts de tous les serviteurs. Hein? Donc, ça c'est une explication. Le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu qiyaman, ay qiyaman li masalihihim, wa quri'a qiyaman, ay yani qiyaman lil ashya. Fallahu jalla wa ala ja'ala al amwal li salih al ibad, kama yuqal al malu yani asbu al haya. أو التي جعلها الله قياما أو قياما للأشياء. Donc ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de cet argent يعني quelque chose par laquelle يعني on est capable d'établir les biens dans notre vie et les choses dont on a besoin. Donc, c'est notre subsistance en réalité. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Elle a été établie, cette subsistance, pour remplir nos besoins et satisfaire nos intérêts, les choses qui sont utiles pour nous et bénéfiques pour nous. Et donc, ensuite, il dit « ثم قال وارزقوهم فيها » إذا كان المراد أموال المخاطبين فمعنى قوله وارزقوهم فيها أي أنفقوا على من تجب نفقته عليكم من الزوجات والأولاد الصغار. Donc il dit et donnez-leur de leur subsistance dans cet argent-là ou dans ces biens-là. C'est-à-dire si ceux qui sont concernés sont ceux à qui on s'adresse dans le verset. Donc ici, lorsqu'il dit « donnez-leur de leur subsistance », c'est-à-dire « dépensez pour eux de ce qui est obligatoire pour vous, comme dépense sur vos épouses et sur les enfants, les petits-enfants. » Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit, le cheikh, que la signification de la parole, on va lire la suite. Le cheikh, il dit « قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ » وارزقوهم فيها واكسوهم إن كان الخطاب للأولياء فمعناه أن مالكي هذه الأموال ينفقون على من تجب نفقته عليهم من أولادهم وزوجاتهم وأقاربهم وإن كان المراد أموال اليتامى والسفهاء فمعناه أن ولي القاصر ينفق عليه من ماله أي من مال القاسر ويكسوه منه من غير إسراف ولا تبذير. Donc il dit s'il s'agit de l'argent de ceux à, yani de ceux à qui on s'adresse, c'est-à-dire les tuteurs, alors dans ce cas-là, ils doivent dépenser de l'argent qu'ils ont pour donner subsistance à leur famille. Donc ce qu'ils ont comme obligation de dépenser pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leurs proches. Donc ça c'est la signification si on parle des gens à qui on s'adresse, c'est-à-dire ceux qui possèdent de l'argent. Si on s'adresse ou si on parle des biens des orphelins eux-mêmes, qui sont trop petits encore pour pouvoir eux-mêmes dépenser de leurs biens ou gérer de leurs biens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui s'occupent de leur argent, hein, parmi les comme les tuteurs de ces enfants-là, de ces orphelins, ils doivent dépenser pour ces orphelins-là de leur argent pour s'occuper d'eux et les vêtir, mais sans exagérer et sans gaspiller. Après, le cheikh, il dit « وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا » أي طيبوا خواطرهم بالكلام الطيب بأن تقولوا للقاصر أنا سأدفع إليك مالك إن شاء الله إذا بلغت رشيدا وأمكنك من التصرف فيه حتى يطمئن وحتى يزول ما في نفسه من الشكوك. Donc le cheikh il dit, et dites-leur une parole convenable. Et le cheikh, il explique que ça veut dire que les tuteurs de ces orphelins-là, ils doivent parler à ces enfants-là d'une façon convenable en leur disant des paroles qui sont bonnes. Comme par exemple de leur dire, hein, ne t'inquiète pas, Inch'Allah, lorsque tu atteindras l'âge de raison, je vais te donner ton argent et tout ça va être à toi. عفواً هل هذا لك؟ لا خذ من كيس خذ كيس من الكرتون يعني هذا أفضل لأن هذا لا نعرف لمن هو وإذا أخذه شخص يعني ربما إذا كان مريضا فينتقل المرض إلى شخص آخر آسف je m'excuse pour ça. Oui, donc tu dois rassurer cet enfant-là quand il est petit pour pas qu'il ait des doutes ou pour enlever ses inquiétudes et pour le rassurer. Tu vas lui dire, t'inquiète pas, quand tu auras l'âge, hein, je vais te remettre ton héritage, je vais te donner ton argent, tout ton, tes biens seront remis à toi. Il n'y a pas de problème. Comme ça, il va être rassuré et il n'aura plus de doutes à ce sujet. Ensuite, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَ وَهَذَا خِطَابٌ لِلَوْلِيَا وَمَعْنَى وَابْتَلُوا أي اختبروا وَذَلِكَ بِأَنْ يُدْفَعَ لِلْيَتَامَ أو لِلْيَتِيمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ إِذَا قَارَبَ الْبُلُوغِ يَدْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ وَيُرَاقِبُ تَصَرُّفَهُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ جَيِّدًا فإنه يمكن من ماله بعد بلوغه رشيدا وإن كان تصرفه غير جيد فإنه يستمر الحجر عليه إلى أن يزول سفهه ولأنه لا يعرف رشده إلا بالاختبار فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فيكون هذا مبينا لقوله تعالى في الآية السابقة وآتوا اليتامى أموالهم وأنهم لا يدفع إليهم مالهم إلا بهذين الشرطين الشرط الأول البلوغ والشرط الثاني الرشد لأن الله رتب الدفع إليهم على شرطين والمرتب على شيئين لا يحصل بحصول أحدهما ويستمر الحجر على الصغير حتى يبلغ الرشد وذلك بأن أن تظهر عليه علامات البلوغ وهي أولا الاحتلام فإذا احتلم الصغير دل ذلك على بلوغه والأمر الثاني الإنبات إذا أنبت حول القبل شعرا خشنا فهذا علامة البلوغ والأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة فإذا بلغ الصغير 15 سنة فإنه يكون قد بلغ الحلم. نعم. On va lire jusqu'ici, inshallah. Et je pense qu'on va s'arrêter avec ça. Le cheikh, il explique ici, il dit que vous devez également éprouver ou tester les orphelins. Et, c'est-à-dire, vous leur remettez une partie de leurs biens avant qu'ils atteignent l'âge de puberté. Lorsqu'ils arrivent proches de l'âge de la puberté, vous leur donnez un peu d'argent. Et vous allez voir comment ils vont agir et comment ils vont gérer cet argent-là. Si vous voyez qu'ils arrivent à gérer bien l'argent et qu'ils l'utilisent d'une bonne façon, alors là, vous pouvez leur donner leur argent après qu'ils aient atteint la puberté. Mais si vous voyez qu'ils se comportent incorrectement avec cet argent et qu'ils ne l'utilisent pas comme il faut, alors vous continuez la tutelle sur leurs biens jusqu'à ce qu'ils cessent d'être faibles, d'avoir cette faiblesse d'esprit ou de ne pas savoir comment gérer leur argent. Et il dit parce que la seule façon de savoir si l'enfant est arrivé à un âge de raison et qu'il est capable de bien gérer l'argent, c'est de faire avec lui ce genre de test pour voir comment il va agir avec l'argent. Et il dit, et si vous voyez qu'ils ont une certaine droiture, alors dans ce cas-là, remettez-leur leur bien, remettez-leur leur héritage. Et donc, c'est ce qui vient clarifier le verset précédent dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « et donnez aux orphelins leur bien hein? ». Et on ne doit pas leur donner leur bien, excepté s'ils ont respecté deux conditions. La première condition, c'est qu'ils ont atteint l'âge de la puberté. Et la deuxième condition, qu'ils ont cette droiture. Ils savent comment se comporter avec l'argent. Et ils agissent avec sagesse, avec cet argent-là. Ils ne vont pas la gaspiller. Hein? Si tu leur donnes, tu lui donnes son héritage, le lendemain, il s'en va s'acheter, par exemple, quelque chose qui une grosse voiture ou je ne sais pas quoi. Et après, il ne lui reste plus rien. Tu vas dire, mais non, ça, c'est pas correct. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer l'argent. Il faut savoir comment l'utiliser comme il faut et faire des économies et investir dans des choses qui sont utiles ou bénéfiques et essayer de faire travailler cet argent-là et ainsi de suite. À la kulli hal, il faut que les deux conditions soient réunies. S'il y a une seule des deux conditions, ce n'est pas suffisant. Et il dit que la tutelle du tuteur justement sur les biens de cet orphelin doit continuer jusqu'à ce qu'il ait atteint la puberté. Et les signes de la puberté sont connus. Le premier, al-ihtilam, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, par exemple, il a des rêves la nuit et il éjacule pendant son sommeil, ça fait partie des signes de la puberté. On appelle en arabe al-ihtilam. En anglais, ils disent wet dreams. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc, le rêve pollué. Le rêve érotique, rêve pollué. À la kulli hal, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, al-inbat. C'est-à-dire les poils qui poussent autour du pubis. Hein? Ça fait partie des signes. Et un autre signe de la puberté, c'est, il dit, lorsque l'enfant atteint 15 ans. Ça c'est, disons, l'âge maximum à partir duquel à la limite à laquelle quelqu'un il atteint la puberté. Habituellement, ça peut arriver avant ça, mais une fois arrivé à 15 ans, on le considère comme étant baligh, c'est-à-dire comme étant pubère à partir de cet âge-là, c'est-à-dire 15 ans. Et pour la fille, le cheikh il dit wa in kanat yatimatan fa innaha tazidu ala hadhihi al-alamat bil hayd. فإذا حاضت الجارية فقد بلغت أو الحمل إذا حملت أيضا فإنها قد بلغت لأنها لا تحمل إلا من إنزال. Donc le cheikh il dit pour l'orpheline, il y a un autre signe supplémentaire, c'est les menstrues. Lorsque la fille elle a ses menstruations, ça veut dire que elle a atteint sa puberté. Il dit également lorsqu'elle tombe enceinte, c'est-à-dire si elle est enceinte, ça veut dire qu'elle a atteint la puberté aussi, ça c'est évident. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça au prochain cours, inshallah, le tafsir de Sourate An-Nisa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.